Section 45 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e, section 45, Les amours de Gilles. Livre 2e, Pulcinelle, par Louis Morin. Chapitre 4. Voyage. Comment Pietro fut insulté et pourquoi il ne put se venger. Le départ de Bologne vint distraire Pietro des tristes pensées que lui avait données la première Fredaine de Mademoiselle Séraphine. Car malgré son amour, il se rendait compte de sa déchéance, de son accoquinement. Le directeur avait décidé que l'on ferait une tournée en Toscane pour attendre la saison d'hiver et la réouverture des théâtres vénitiens. C'était depuis longtemps une idée à lui que de cette tournée en Toscane. Il espérait en tirer un grand bénéfice et il voulait consacrer aux frais du voyage une partie du gain fait à Bologne. Embrouillon qu'il était, il ne se doutait pas des difficultés qu'entraînerait pour une troupe aussi nombreuse la traversée des Apennins. Pietro, en sa qualité de majordome, fut chargé de pourvoir aux nécessités du voyage. Ce n'était pas chose facile. Il y avait 14 personnes, y compris le maître coq, et autant de caisses contenant les costumes et les effets personnels des acteurs. Pietro acheta 2 chariots solides et couverts qui devaient contenir chacun 7 personnes et 7 caisses. Quant aux chevaux et mulets, ils devaient être pris aux différents postes de la route, comme cela était d'usage. On partit d'abord pour Modène, où la troupe devait s'arrêter quelque temps. De Bologne à Modène, il y a environ 10 lieues et le chemin est facile, les plaines de la Romagne étant peu accidentées. On arriva en peu de temps et l'on prit ses dispositions pour donner quelques représentations. La cour du duc était assez brillante. Il y avait surtout par la ville un grand nombre de jeunes officiers nobles qui passaient leur temps à jouer et à faire la cour aux filles, faute d'occupation plus guerrière. Le bruit se répandit tout de suite parmi ces désœuvrés qu'une troupe vénitienne venait d'arriver et qu'il y avait 2 jolies femmes parmi les pensionnaires. C'était assez pour mettre toutes ces têtes à l'envers. La première soirée fut très belle. Séraphine triompha dans les fourberies de Colombine. Pietro, qui, par curiosité, était allé se promener au milieu des spectateurs au moment de l'entracte, put trembler pour ses amours. Colombine faisait naître les désirs dans toutes ses cervelles inoccupées. Ce fut bien autre chose le lendemain matin. Comme il flânait sur la place de la ville, le nez en l'air, regardant le palais ducal, il entendit 2 personnes qui causaient derrière lui. « Je te dis que c'en est un. J'ai remarqué cette tête-là. C'est l'homme de ces comédiens. Mais, dit une autre voix, pouvons-nous charger d'un message aussi délicat un garçon que nous ne connaissons pas et qui peut être honnête ?»« Tu plaisantes. Tous ces faquins sont de la sorte. Donne-moi les billets, tu vas voir. Mon ami, hé, hey, mon ami !» Pietro se retourna. 2 jeunes officiers étaient derrière lui. L'un d'eux le considérait appuyé sur sa canne. Il avait l'air le plus insolent du monde. « Pardon, monsieur, dit Pietro, ce serait à moi que s'adresse cet appel ?»« Parbleu, il n'y a que vous et nous sur cette place. Dites-moi, vous êtes la troupe vénitienne ? Voulez-vous remettre ces billets à la petite actrice qui se travestit si joliment ? Vous aurez pour votre peine un ducat. » Pietro resta stupéfait. « Voyons, ne faites pas le sot, prenez !» Et il lui mettait dans la main l'argent et les billets. « Messieurs, s'écria Pietro en froissant les papiers, que signifie cette plaisanterie ? Pour qui me prenez-vous donc ? Monsieur, ajouta-t-il en s'adressant à celui qui l'avait interpellé, « La méprise est trop forte. J'espère que vous m'en rendrez raison. » T'en rendrez raison ? Voyez-vous cet histrion qui veut se battre avec un gentilhomme ? Messieurs, je suis gentilhomme moi-même. » Gentilhomme, allons donc. Un gentilhomme valet d'une troupe de comédiens ? Dis que tu ne veux pas faire ma commission et tais-toi sinon ma canne. Monsieur. Pietro allait s'élancer sur lui. L'autre officier s'interposa. Monsieur, pardonnez-nous, nous avions cru pouvoir vous charger d'un message galant. Vous refusez ? Cela fait votre éloge. Acceptez donc nos excuses. Vous devez sentir que c'est toute la réparation qu'un officier peut accorder à un comédien, fût-il noble comme vous prétendez l'être. Monsieur, je vous salue. Les officiers s'en allèrent. Pietro les laissa partir sans une parole. Il avait compris qu'il devait dévorer l'injure en silence. Qu'il prit soin maintenant de se cacher sa naissance, il n'était plus qu'un déclassé. Il allait ainsi sur la mauvaise route où le menait sa passion. Tous les jours, une honte nouvelle. Allait-il descendre comme cela peu à peu jusqu'à la dégradation finale, celle dont on n'a plus conscience, celle du comte Carlo Maegui? Fin de la section 45, lue par Agnès Aubi, 2023.